Chapitre 9e. Souvent, en causant avec la marquise, Guibrel lui avait dit « Ça m'étonne tellement que vous m'aimiez. Je ne vois pas ce qui peut vous plaire en moi. Réfléchissez-y donc. Et quand vous aurez bien réfléchi, vous me direz si c'est encore vrai. » Elle passa toute cette dernière soirée à courir dans le parc et sur la plage, suivie de ses chiens. Elle voulait revoir encore ce pays qu'elle aimait tant et qu'elle quittait toujours avec tristesse. Cette fois, ce n'était plus seulement de la tristesse qu'elle éprouvait, mais une sorte d'angoisse, un chagrin profond. Lorsqu'elle rentra enfin, brisée par sa longue course, M. de Gueldre et Fauché, las de l'attendre, se décidaient à aller se coucher. Fauché, qui montait déjà l'escalier, s'arrêta en sentant Tocquevlan se précipiter dans ses jambes. « Ah » fit-il, « vous êtes une maîtresse de maison aimable, vous. » Et comme Liane s'excusait. « Oui, vous laissez ce pauvre Fauché en tête-à-tête avec votre mari qui passe toute sa soirée à lui fumer des pipes dans le nez. Mais vous pouviez aller au salon. »« Non, je n'aime pas être seul. » »« C'est singulier. J'aurais parié que vous fumiez, vous aussi. »« Parbleu, certainement, il fume !» cria le marquis en riant. « Mais il ne supporte pas la fumée des autres. » Fauché redescendit deux marches, se hérissant, prêt à se fâcher. « Qu'est-ce que tu dis, toi ?»« Non, je n'aime pas la fumée des autres. Et puis après ?» Je trouve qu'il y a dans l'air assez de microbes et de saletés de tous les genres, sans qu'on vienne encore en apporter exprès. Et ici, dans ce billard rempli de tapis et de tentures, le microbe se plaît particulièrement. C'est vrai. Pour bien faire, pour vivre dans des conditions saines, on devrait habiter uniquement des appartements blanchis à la chaux. Il s'interrompit, regardant Liane, qui, toute pâle, souriait en l'écoutant. « Qu'est-ce que vous avez donc? Vous êtes blanche comme votre robe. » « Or, c'est peut-être joli pour une robe d'être blanche, mais pour des joues, ça manque de montant. Est-ce que vous avez une vague idée de vous trouver mal ?»« Mais non, du tout. »« Oui, je connais ça. On dit non, et puis au moment où on s'y attend le moins, patatras, on tourne l'œil. »« Merci. »« Oh, pas pour toujours, momentanément. »« Vous êtes bien gentil de me rassurer. »« D'ailleurs, tournez l'œil momentanément ou pour tout de bon, cela n'a pas grande importance. »« Permettez. »« Je parle pour moi. » « Comment, vous voudriez mourir ?»« Je ne voudrais pas mourir, mais je mourrais sans grande peine. La mort ne me fait pas du tout peur. »« Matin ?»« C'est une preuve que vous avez une rude idée de vous-même. »« C'est une preuve plutôt que j'ai une rude idée de Dieu. » Le marquis demanda. « Mes enfants, est-ce que vous allez rester dans l'escalier à parler de choses aussi sérieuses ? Si oui, je voudrais que vous me laissiez passer. »« Dis, laisse assier, et tu passeras. »« Voyons, c'est stupide, il est minuit. » « Et nous partons demain matin. Je suis fatigué, moi. »« Moi aussi, » dit Madame de Gueldre. Fauché se récria. « Parbleu, ce n'est pas étonnant que vous soyez fatigué. Vous marchez depuis le dîner. Car je ne pense pas que vous vous soyez assis sur l'air par ce froid. Non, j'ai marché. »« Eh bien, c'est fou. Ces petits rien du tout de femme, ça s'imagine toujours que c'est enfer. Tout de même, vous avez une fichue mine. Allons, dormez bien. La nuit vous remettra. »« Dormez bien. » Elle ne dormit pas du tout, la pauvre Liane. Elle pensa toute la nuit à Jean, avec cette idée bien arrêtée que lui ne pensait pas du tout à elle et qu'elle ne tenait pas dans sa vie plus de place que la petite de Montreux ou que n'importe quel autre. Quand il la voyait, il croyait l'aimer et il l'aimait peut-être effectivement pendant la minute présente. Quand elle ne serait plus là, il en verrait une autre qu'il aimerait également. Et elle ne lui en voulait pas des sentiments qu'elle lui supposait. Il ne manquerait aucune promesse. Il ne lui avait rien promis. Elle ne lui avait d'ailleurs rien demandé, et si elle n'espérait rien de cette liaison bizarre et inachevée, elle ne regrettait rien non plus. Regardant attentivement au fond d'elle-même, et cherchant, non pas à se reprendre, c'était impossible, mais au moins à se blâmer, elle finissait par conclure « Oui, si c'était à refaire, je le referais. » Et incapable d'envisager gravement les choses, même les plus graves, elle ajoutait « comme le caissier des brigands. » Après cette nuit passée à réfléchir, à pleurer et à se moquer d'elle-même, la marquise pensa qu'elle pouvait répondre à la question de Jean, et elle lui écrivit ces trois mots. « Vrai, horriblement vrai. Liane. » Elle éprouvait certainement le désir de crier à Guibrel la vérité, mais elle voulait surtout le forcer à lui écrire. Il ne pouvait guère, en recevant cette nouvelle affirmation de son affection, ne pas lui répondre. Au moment de monter en voiture, Monsieur de Gueldre, qui regardait charger les bagages, demanda distraitement « Qu'est-ce que vous vouliez donc à Guibray ?»« Je viens de voir Cyprien qui partait pour les zones avec une lettre. » Elle devint très rouge et répondit « Rien, c'est pour un renseignement que je lui avais promis. » Le trouble de la marquise n'échappa pas à Fauché et il s'écria « Oh, pas la peine de rougir, il n'est pas défendu d'écrire à Guibray. » Et toujours taquin, il ajouta en riant « N'empêche que si la petite de Montreuil savait, elle montrerait les dents. » Agacée, Liane répondit « Elle aurait tort, parce que je les montrerais aussi, et que la partie ne serait pas égale. » Le marquis n'entendit pas, mais Fauché, très surpris, regarda Madame de Gueldre d'un air absolument effaré. C'était si peu d'elle, cette riposte pointue et cette façon de se complimenter elle-même. Il ne reconnaissait plus le bon garçon. Ah ça, est-ce que... Et ses premiers soupçons lui revinrent. Mille petits faits passés inaperçus se présentèrent à son esprit, et il se dit « J'ai été un imbécile de ne rien voir. » Mais quand, assis dans la voiture à côté de la marquise, il l'examina de nouveau attentivement, le résultat de cet examen fut « Une femme si intelligente, allons donc, c'est maintenant que je suis un imbécile. »